Yeah. Let's get it. Yeah. Ooh, ooh, ooh. Yeah. Yeah. Yeah. Seul dans la maison, ma fierté a ses raisons. Je ressens comme un beat, je fais comme si une reine était. L'orgueil a ses raisons, laisse pas te laisser jouer. Regarde dans le beat, je fais comme si une reine était. Déteste l'avoir à faire semblant. Quoi ça arrive dans le temps, tu m'aurais jamais laissé partir. La boule au vent, je regarde nos photos. Pas de message, c'est trop tôt. Ce que j'aimerais, c'est te voir revenir. Si tu veux savoir, oui, ça va, oui, ça va, oui, ça va, mais j'ai mal. Et moi je te dirais oui, ça va, oui, ça va, oui, ça va, mais j'ai mal. Parti, je me sens incapable, je perds la tête. J'ai perdu goût à la vie, là je suis pas dans mon assiette. La nuit j'entends des voix depuis que t'es parti. Je fais n'importe quoi, j'ai encore mal dormi. Mais je ne reviendrai pas, je t'en pas connais pas. Je te rappellerai pas, non. Mais je ne reviendrai pas, je t'en pas connais pas. Je te rappellerai pas, non. Si tu veux savoir, oui, ça va, oui, ça va, oui, ça va, mais j'ai mal. Mais j'ai mal. Si tu veux savoir, oui, ça va, oui, ça va, oui, ça va, mais j'ai mal. Si tu me demandes, je te dirai oui, ça va, oui, ça va, oui, ça va, mais j'ai mal. Mais c'est dur un dire. J'aimerais te revoir, mais je suis trop fier pour te le dire. J'aimerais te revoir, mais c'est dur à dire. J'aimerais te revoir, mais je suis trop fier pour te le dire. J'aimerais te revoir, mais c'est dur à dire. J'aimerais te revoir, mais je suis trop fier pour te dire. J'aimerais te revoir, mais c'est dur à dire. J'aimerais te revoir, mais je suis trop fier pour te dire. Si tu veux savoir, oui, ça va, oui, ça va, oui, ça va, mais j'ai mal. Si tu m'aimes, moi je te dirai oui, ça va, oui, ça va, oui, ça va, mais j'ai mal. Si tu veux savoir, oui, ça va, oui, ça va, oui, ça va, mais j'ai mal.